Les coups durs ne sont pas tous de bons professeurs. Le destin peut toujours pisser sur mon étoile. J'ai vu le monde au travers du mauvais œil. Quand Dieu nous a fait, il était sans doute de mauvais poil. Les coups durs ne sont pas tous de bons professeurs. Le destin peut toujours pisser sur mon étoile. J'ai vu le monde au travers du mauvais œil. Quand Dieu nous a fait, il était sans doute de mauvais poil. On a eu tort de penser que la fortune sourit aux braves. Ici la mort se quantifie au kilogramme. La misère ne rendra pas mon cœur imperméable. Depuis toujours les planches m'attendent pour un dernier acte. Et on se fout de paraître tous égoïstes, comme d'un pauvre homme emporté par un shoot d'héroïne. À vrai dire, je ne sais même plus ce qu'il me reste. C'est la peur de n'être personne qui nous terrorise. On envoie des mecs perdus, les narines pleines de blanches, des femmes irrécupérables et des frères se vendre. Je ne ferai croire à personne que cette merde me manque. J'écris ma propre version de l'enfer de Dante. Notre histoire fut écrite par des pyromanes. Alors je suis et resterai mon unique biographe. Même le ciel nous laissera en bord de route. Et puis merde, que le diable nous emporte tous. Les hommes se maudissent et se sanctifient. Une balance peut se targuer d'être anti-flic. C'est pas cette vie qui nous rendra nos espoirs. L'éternel est le plus étrange des scientifiques. Je ne cherche pas à savoir ce qu'est l'harmonie. Je me balade où les ailes des anges carbonisent. Ils aimeraient que je gobe toutes leurs inepties. Mais je suis pas doué pour suivre leurs directives. Les coups durs ne sont pas tous de bons professeurs. Le destin peut toujours pisser sur mon étoile. J'ai vu le monde au travers du mauvais œil. Quand Dieu nous a fait, il était sans doute de mauvais poil. Les coups durs ne sont pas tous de bons professeurs. Le destin peut toujours pisser sur mon étoile. J'ai vu le monde au travers du mauvais œil. Quand Dieu nous a fait, il était sans doute de mauvais poil.